Le paradis loué au comte Steinbock avait été tapissé de perse. La froideur et la dureté d'un ignoble carreau rougi d'encaustique ne se sentaient plus aux pieds sous un moelleux tapis. Le mobilier consistait en deux jolies chaises et un lit dans une alcôve, alors à demi caché par une table chargée des restes d'un dîner fin, et où deux bouteilles à longs bouchons et une bouteille de vin de champagne éteinte dans sa glace jalonnaient les champs de Bacchus cultivés par Vénus. Envoyé sans doute par Valérie, un bon fauteuil ganache à côté d'une chauffeuse et une jolie commode en bois de rose, avec sa glace bien encadrée en style pompadour. Une lampe au plafond donnait un demi-jour accru par les bougies de la table et par celles qui décoraient la cheminée. Ce croquis peindra, urbi et orbi, l'amour clandestin dans les mesquines proportions qui impriment le Paris de 1840. À quelle distance est-on, hélas, de l'amour adultère symbolisé par les filets de Vulcain il y a 3000 ans?